Les Voies du Destin, par J.H. Roni. J'avais cru souffrir tout ce qu'un homme peut souffrir lorsque j'avais surpris la trahison de Diane. Je souffris plus encore la nuit de son accouchement. Depuis plusieurs jours, j'attendais avec haine cette minute où naîtrait la créature odieuse qui aurait le droit de porter mon nom et qui hériterait de ma fortune. Cette menue chose visqueuse, ce frêle paquet de chair que j'aurais pu écraser d'un coup de talon, venait au monde avec des droits imprescriptibles et me bafouait de par la puissance aveugle du code. Ainsi l'avait voulu Diane. Avec une énergie féroce, elle avait refusé le divorce et résolu que son enfant serait riche et porterait un nom respecté. Comme toute relation était rompue entre elle et Charles Merville, je ne pouvais faire la preuve de l'adultère. Seules les armes des sauvages me demeuraient. Incapable d'un meurtre, il ne me restait qu'à recourir à la ruse. J'avais réduit au minimum les comparses du drame. Outre un vieux médecin à la vue basse, personne n'avait pénétré auprès de l'accouchée, hormis une femme de chambre, excellente garde-malade, qui professait pour ma famille un dévouement fanatique. D'autre part, j'avais chargé son mari, mon valet particulier, encore plus dévoué qu'elle, de recueillir, s'il était possible, l'enfant nouveau-né d'une pauvresse. Il avait réussi. Depuis le matin, il cachait dans sa chambre une petite fille que lui avait remise pour la déposer aux enfants assistés, une couturière de Ménilmontant. Pour jouer complètement à la partie que je méditais, c'était insuffisant. Mais je suis d'une race très superstitieuse. Je voulais seulement une possibilité d'action. Pour le reste, je m'en rapportais à la chance. Mais lorsque l'accouchement de Diane approcha, une horreur affreuse m'envahit. Je fus presque sûr qu'un fils de Merville allait naître, qui serait de droit mon fils à moi. Je rôdais auprès de la chambre de la misérable. À chacun de ses gémissements, un flot de rancune me noyait le cœur. Je me revoyais, à mon retour de Hongrie, marchant à pas furtifs dans l'allée couverte, follement heureux de la revoir et de la surprendre. Puis au détour des rouvres, le couple enlacé. D'un coup frénétique, je terrassai Merville. Dans le duel du lendemain, je voulais le tuer, et je ne réussissais qu'à lui planter 5 centimètres de fer au défaut de l'épaule. Tandis que je rêvais avec une âme de fauve et de malheureux, il y eut une dernière clameur suivie d'un long silence. Quelque temps après, Manette apparaissait avec une petite créature rougeâtre dans les bras. « C'est une fille, » chuchota-t-elle. « Madame s'est évanouie. Le docteur n'est occupé que d'elle et me laisse le soin de l'enfant. » Donc la chance me favorisait. Je jouai hardiment la partie, et la substitution fut faite. Ni le vieux docteur, ni ma femme, qui flottait entre la pâmoison et un demi-délire, ne s'en aperçurent. La fille de la pauvresse fut inscrite à mon nom. D'ailleurs, la fameuse voix du sang demeura muette. Diane, qui était une mère ardente, aima si passionnément la fillette qu'elle fut désormais incapable de flirter. Elle continua à refuser le divorce, et même toute séparation légale, et quoique nous fussions séparés de fait, elle vivait soi-disant au domicile conjugal. Néanmoins, je n'avais pas abandonné la fille de Merville. Sa vie m'était précieuse, elle était le symbole palpitant de la vengeance. Je la fis adopter par Jean et Manette et élever à la campagne. D'abord, je n'éprouvais pas le besoin de la voir. Il me suffisait de penser que j'avais fait une pauvresse du fruit de leur trahison. Un jour que je goûtais plus particulièrement ma revanche, une curiosité me prit. Je trouvai la petite habiletaneuse dans le giron d'une énorme femme aux yeux de bœuf et au sourire tendre. Elle m'apparut fraîche, saine et tout à fait charmante. Depuis, je songeais parfois à elle, ce qui me fit retourner à Habiletaneuse. J'éprouvais devant sa fragile silhouette un singulier mélange de haine et de douceur. Ses sentiments alternaient. Longtemps, ils s'équilibrèrent. Puis la douceur l'emporta. La fille de Diane et de Merville me devint étrangement chère, tellement que je ne voulus plus la laisser dans un milieu miséreux. Je la plaçai dans une pouponnière presque luxueuse. Plus tard, je lui donnai pour gouvernante une femme du monde, ruinée, qui l'aima comme une fille et l'éleva parfaitement. Les années coulèrent. Rosine eut 14 ans, et la nature se complut à parfaire le feu de ses yeux, le contour de ses joues fines, la rouge séduction de ses lèvres. Lorsqu'elle s'avançait vers moi, avec le rythme nuancé de son corps, illuminé par une immense chevelure feuille morte, j'avais une palpitation de toute la chair. elle me rappelait la Diane que j'avais si terriblement désirée jadis, et en même temps la sœur de Merville, dont j'avais aussi subi la séduction. Vous devinez les impressions qui s'éveillaient au fond de mon être. Tout homme qui a connu l'amour et la trahison, dont l'âme est ardente et vindicative, aurait, j'en suis sûr, les mêmes idées qu'au moins. La vengeance que je croyais tenir était 100 fois plus complète que je ne l'aurais imaginée. Elle s'exercerait ensemble sur la descendance de Diane et sur celle de son amant. Aucun homme n'en pouvait rêver de plus réel et de plus profonde. Je voyais déjà dans les yeux de la jeune fille naître le mal charmant qui serait mon souverain bien. Le jour où elle eut 15 ans, je la fis prendre par Manette qui l'emmena en Suisse. Je devais bientôt l'y rejoindre. Si je ne la suivis pas tout de suite, c'est que Diane venait d'être prise par un mal subi qui pouvait être mortel. Or, il me déplaisait singulièrement qu'elle mourût à l'heure de ma victoire. Je me figurais des joies inouïes à songer qu'elle élevait un enfant étranger, tandis que je lui rendrais au décuple la trahison qu'elle m'avait fait subir. Je ne partis donc que lorsqu'on m'apprit qu'elle semblait hors de danger, et je m'en fus au chalet où m'attendaient Rosine et Manette. J'y passai une 15aine à faire doucement fleurir l'amour au cœur de l'adolescente. Moi-même, je me sentais envahir d'une passion ardente et singulière. Un matin, nous nous trouvâmes seuls, au bord de la Sarine, dans un paysage aussi frais et jeune qu'au temps lacustre. La solitude était parfaite. On n'entendait que le crissement d'un grillon, la rumeur frissonnante des feuilles, la voix fine de la rivière. Les yeux clairs se posèrent sur les miens, ignorant de la menace du destin et plein d'une flamme de foi et d'espérance. Je n'eus qu'à la prendre sur mon cœur. Mais tandis que je resserrais mon étreinte, l'amertume de la trahison, la longue rancune et le désir de revanche s'effacèrent. Je ne connus que la douceur et la tendresse. Je n'abusais pas de la faiblesse de ma petite amie. Le cœur plein d'une mélancolie où toute férocité avait disparu, je m'en revins inquiet de l'avenir et ne voulant pas renoncer à Rosine. Comme nous approchions du chalet, je vis Manette qui accourait à notre rencontre. Elle me tendit un télégramme. Je lus avec quel battement de cœur. Madame Lafaye, morte subitement d'une embolie. Alors, toute la superstition de ma race s'éleva dans mon âme. Je reconnus les voix du destin qui, comme les voix du Dieu de la Bible, ne sont pas nos voix. Je fus certain que la trahison de Diane et de Merville avait été suscitée afin qu'une fille pût naître d'eux et croître pour mon bonheur. Il est certain qu'elle fut une femme plus séduisante que Diane même, mais fidèle, et que je n'aurais pu aimer les enfants de sa mère de l'amour profond que j'eus pour les siens. C'était Les Voix du Destin par J.H. Rony.